Vamos, ven conmigo, hijo mío. Ven, pequeño, ven. Ven con tu madre. Hijo de la luna. Toujours la même pensée. J'ai hâte d'être à ce soir, de te voir, car t'es la seule à qui je me confie et qui peut me voir. Mon ange gardienne, à qui je fais la bise, qui veille sur mes conneries qui me font flancher comme la tour de Pise. L'envie de te serrer fort, car à la maison c'est le bordel, c'est le cortège des enfants seuls, enfantés comme Corneille. À peine 13 piges, je crapote ma première cigue. Peur de grandir auprès de toi, la mère qui n'a pas de bras. Quiere el amor de los hermanos, que vive la noche, los locos de ese mundo, adios. Car je suis jeune et je jetterai pas mon cartable quand je vois que les 3-8 pour certains frères sont pas rentables. La vie intacte et j'ai peur de me faire couper malgré ton clair de lune. Les pierrots ne sont pas satisfaits. Por favor, que soy esta pati luna, cuando pa mi madre soy el niño de la luna. Tu veux être mère, tu ne trouves pas l'amour qui exauce ta prière. Dis-moi lune d'argent, toi qui n'as pas de peur, comment bercer l'enfant. De la luna, je viens pas travestir la réalité, ni imiter le vivant. Je veux ressembler à mes morts, à leur vérité. Enfant de la lune, orphelin quand le soleil se lève. Quand le silence fait trop de bruit, nous on s'entend trop gamberger. Y'a plus d'aînés, ils sont morts à la guerre de la drogue ou en forçant le barrage de la liberté. J'ai pas à t'expliquer leurs gestes, ni à laver leur linge sale devant la presse. Leurs familles ne l'ont pas fait. Lune dehors, il fait un temps de crève. La routine fait pas de grève. Comprends que j'ai le ton grave, comme la situation de ces nuits. Toi qui n'as pas de bras, comment retenir la folie de mes veines de pige. Tu sais, entre une transac, le bruit d'un transalp, un joint et des cartes, une discussion de chat, je suis là. La rétine tremblante, atteindre la quarantaine serait un privilège dans cette ambiance. Tu veux être mère, tu ne trouves pas l'amour qui exauce ta prière. Dis-moi lune d'argent, toi qui n'as pas de peur, comment bercer l'enfant. Ce soir j'ai pas la pêche, j'ouvre une bouteille pour accuser le coup. En plus il pleut des cordes intenses, les fous trop coups. J'suis là, trempé de la casquette aux orteils, à prendre conscience que mon adolescence a pris de la bouteille. J'fais le bilan, 35 ans, pas un franc, des frères enterrés ou au bagne, et des fesses assis sur le même banc. J'tremble, car la mort ça tue sa mobile, et qu'il faut de la caille pour nourrir ce petit qui me ressemble. J'n'arrive pas à assumer ce que Dieu me donne. J'passe mes nuits dans le lit d'un verre de rhum. J'ai mon trône au milieu des lâches, ma couronne sertie par les larmes que ma famille me lâche. Car j'suis une loque, j'vis au crochet de ma femme et de ses allocs. J'cours derrière cette jeunesse passée dans un bloc, à attendre que tu viennes me bercer. Mais ce soir un temps, elle vient de me chercher. Luna quiere ser madre, y no encuentras querer que te haga mujer. Dime luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Ah, ah, ah. Hijo de la luna. Ven, pequeño, ven.